mets la vanne classique. Regarde de travers au feu, derrière les scènes classiques. Viens dans le club des Fast and Furious et de la flamme périlleuse. La vanne des BMW nous a bien fait rire. On chasse les intérieurs cuir, nous les enfants terribles. Fuck leur émission qui nous envoie au placard à parler de luxe, nique leur tchatch. Dis-leur on parle pas des dernières Nike à un cul de chatte. Oublie les autographes deux secondes. Demande à Henri comment les plats du pied des Frenchies envoient les portières des SLR vers le ciel. Police, police, un cercueil ambulant pour les alcooliques. Coliques, elles aiment les sièges chauffants pour leur petit cul moelleux. Ray, les Shakira du ghetto finiront par faire mêler. Pour l'histoire de l'ardo, un problème de Hertz. Je me casse le dos sur des chantiers de merde. J'essaie pas d'être wanted chez Dominique Berbel. Caresse le goudron doucement avec affection pilote. Respire. Remonte les champs, observe. Tu vas voir les gros gamos avec les plaques écrites en arabe. Ça c'est du pétrodollar. Poli Rain Vaga. Poli KSI. Poli, poli Schneiderun Zergo de la mer. Poli, poli Raiffeisen Ketchup. Poli, poli. GTR, 400, P5, Kickmine, Fender. Poli Les deux Zets. Poli, poli Chrome Palm, Gay Garçon, Lichtrasse. Poli, poli, poli, poli. Tu veux kick, Swana, ou tu veux Chinese? Tu crois des Vin Diesel, tu prends pour Cyrus. Tu as besoin de confort, nous brutalise. Tu veux l'A4 cap, 2 litres 5, foutre quoi? Secteur, personne n'a eu le destin sécurisé de David Hallyday. Non. Chante la folie des grandeurs des fils d'ouvriers dans une ghetto car un lit 2. Bien ou bien la famille, oh oh. Bien wesh, tu flambes mêlé. Full option, ça attire les jaloux et les rayures. Pas de chance, des pères de famille charbonnent pour des salaires scandaleux. Ils comprennent pas que tu sortes un Kundes Camos au design indécent. Go Raptor, GSX1000, RA. Tu caves ma banlieue bêche dans toute sa splendeur. J'te donne le champ lexical sur orbite. Roi arrière, roi avant, flash, permis qui saute. Burn, soleil, stop it. Si t'es mon roi, tu m'écoutes. Les chiens dans l'Xara crise vont venir secouer bonhomme. Handek, A86 c'est le pont de Bondy. On déversait des camos, c'est pas possible. Faire les pavillons sous bois, j'ai été perturbé. Des max paient le loyer grâce au crochetage. T'as le flamme au boudou sur une brosse à. Maman s'en tape de passer le permis. Elle veut me voir fiancé avec une meuf du pays que je vais nuancer avec Beyoncé. Le financier, je prépare le tube de l'été en duo avec Garou et j'ai un Porsche. Permettez que je mette votre fiancée. Quand la tôle se froisse, tu peux crever. À quoi ça sert d'avoir un bolide si t'as pas la vie qui va avec? C'est rien que du pneu et de la ferraille. Je suis pas au con. Oh, snob pas tes proches, Ray. Y'aura jamais assez de place, même pour une smart dans un cercueil. Poli Ovaya. Poli Rain Wagen. Poli GSC. Schlitteren Zergo de la Poli Raiffeisen Ketchup. Poli GTR 400 P5 Kick Mine Felgen. Poli Ladies It's Chrome Bomb. Poli Poli Keep Gas of the Strasse. Poli Poli Rain Wagen. Poli Poli. Tu veux qui? Ovaya Nivena. Ou tu veux Chinese? Tu crois t'es Vin Diesel? Tu prends pour Cyrus. Ce besoin de confort nous brutalise. Tu veux le Touareg V10? Ah, faut du Rallye. Navigate to Despo. Tricking Vera in Despain. Dein kleine Merco. Vendu keine Geld, nimm der Metro. MC Jean Gabin in Despo. Anaha.